Chateaubriand, Itinéraire de Paris à Jérusalem, édition Furne et Compagnie, 1865. Cinquième partie, suite. Je vais maintenant donner le siège de Jérusalem tiré de nos vieilles chroniques. Les lecteurs pourront comparer le poème et l'histoire. Le moine Robert est de tous les historiens des croisades celui qu'on cite le plus souvent. L'anonyme de la collection Gesta Dei Per Franco est plus ancien, mais son récit est trop sec. Guillaume de Tirpech parle des faux contraires. Il faut donc s'arrêter au moine Robert. Sa latinité est affectée. Il copie les tours des poètes. Mais, par cette raison même, au milieu de ses jeux de mots et de ses pointes, il est moins barbare que ses contemporains. Il a d'ailleurs une certaine critique et une imagination brillante. L'armée se rangea dans cet ordre autour de Jérusalem. Le comte de Flandre et le comte de Normandie déployèrent leur tente du côté du septentrion, non loin de l'église bâtie sur le lieu où saint Étienne, premier martyr, fut lapidé. Godefroy et Tancrède se placèrent à l'occident. Le comte de Saint-Gilles campa au midi, sur la montagne de Sion, autour de l'église de Marie, mère du Sauveur, autrefois la maison où le Seigneur fit la scène avec ses disciples. Les tentes ainsi disposées, tandis que les troupes fatiguées de la route se reposaient et construisaient les machines propres au combat, Raymond Pilet, Pilotus, on lit ailleurs Pilitus épelé, Raymond de Turenne, sortirent du camp avec plusieurs autres pour visiter les lieux voisins, dans la crainte que les ennemis ne vinssent les surprendre avant que les croisés fussent préparés. Ils rencontrèrent sur leur route 300 Arabes. Ils en tuèrent plusieurs, et leur prirent 30 chevaux. Le second jour de la troisième semaine, 13 juin 1099, les Français attaquèrent Jérusalem, mais ils ne purent la prendre ce jour-là. Cependant leur travail ne fut pas infructueux. Ils renversèrent l'avant-mur, et appliquèrent les échelles au mur principal. S'ils en avaient eu une assez grande quantité, ce premier effort eût été le dernier. Ceux qui montèrent sur les échelles combattirent longtemps l'ennemi à coups d'épée et de javelot. Beaucoup des nôtres succombèrent dans cet assaut, mais la perte fut plus considérable du côté des Sarrasins. La nuit mit fin à l'action et donna du repos aux deux parties. Toutefois, l'inutilité de ce premier effort occasionna à notre armée un long travail et beaucoup de peine, car nos troupes demeurèrent sans pain pendant l'espace de 10 jours, jusqu'à ce que nos vaisseaux fussent arrivés au port de Jaffa. En outre, elles souffrirent excessivement de la soif. La fontaine de Siloé, qui est au pied de la montagne de Sion, pouvait à peine fournir de l'eau aux hommes, et l'on était obligé de mener boire les chevaux et les autres animaux à 6 milles du camp, et de les faire accompagner par une nombreuse escorte. Cependant, la flotte arrivée à Jaffa procura des vivres aux assiégeants. Mais ils ne souffrirent pas moins de la soif. Elle fut si grande durant le siège, que les soldats creusaient la terre et pressaient les mottes humides de contre leur bouche. Ils léchaient aussi les pierres mouillées de rosée. Ils buvaient une eau fétide qui avait séjourné dans des peaux fraîches de buffles de divers animaux. Plusieurs s'abstenaient de manger, espérant tempérer la soif par la faim. Pendant ce temps-là, les généraux faisaient apporter de fort loin de grosses pièces de bois pour construire des machines et des tours. Lorsque ces tours furent achevées, Godefroy plaça la sienne à l'orient de la ville. Le comte de Saint-Gilles en établit une autre toute semblable au midi. Les dispositions ainsi faites, le cinquième jour de la semaine, les croisés jeûnèrent et distribuèrent des aumônes aux pauvres. Le sixième jour, qui était le 12e de juillet, l'aurore se leva brillante. Les guerriers d'élite montèrent dans les tours et dressèrent les échelles contre les murs de Jérusalem. Les enfants illégitimes de la ville sainte s'étonnèrent et frémirent, en se voyant assiégés par une si grande multitude. Mais, comme ils étaient de tous côtés menacés de leur dernière heure, que la mort était suspendue sur leur tête, certains de succomber, ils ne songèrent plus qu'à vendre cher le reste de leur vie. Cependant Godefroy se montrait sur le haut de sa tour, non comme un fantassin, mais comme un archer. Le Seigneur dirigeait sa main dans le combat, et toutes les flèches qu'elle lançait perçaient l'ennemi de part en part. Auprès de ce guerrier étaient Baudouin et Eustache, ses frères, de même que deux lions auprès d'un lion. Ils recevaient les coups terribles des pierres et des dards, et les renvoyaient avec usure à l'ennemi. Tandis que l'on combattait ainsi sur les murs de la ville, on faisait une procession autour de ces mêmes murs, avec les croix, les reliques et les autels sacrés. L'avantage demeura incertain pendant une partie du jour, mais, à l'heure où le sauveur du monde rendit l'esprit, un guerrier nommé Léthold, qui combattait dans la tour de Godefroy, sauta le premier sur les remparts de la ville. Guichet le suit, ce guichet qui avait terrassé un lion. Godefroy s'élance le troisième, et tous les autres chevaliers se précipitent sur les pas de leur chef. Alors les arcs et les flèches sont abandonnés. On saisit l'épée. À cette vue, les ennemis désertent les murailles, et se jettent en bas dans la ville. Les soldats du Christ les poursuivent avec de grands cris. Le comte de Saint-Gilles, qui de son côté faisait des efforts pour approcher ses machines de la ville, entendit ces clameurs. « Pourquoi, dit-il à ses soldats, demeurons-nous ici? Les Français sont maîtres de Jérusalem, ils la font retentir de leur voix et de leurs coups. » Alors ils s'avancent promptement vers la porte qui est auprès du château de David. Il appelle ceux qui étaient dans ce château, et les somme de se rendre. Aussitôt que l'émir eut reconnu le comte de Saint-Gilles, il lui ouvrit la porte, et se confia à la foi de ce vénérable guerrier. Mais Godefroy avec les Français s'efforçait de venger le sang chrétien répandu dans l'enceinte de Jérusalem, et voulait punir les infidèles des railleries et des outrages qu'ils avaient fait souffrir aux pèlerins. Jamais dans aucun combat il ne parut aussi terrible, pas même lorsqu'il combattit le géant. C'était un sarrasin d'une taille gigantesque, que Godefroy fendit en deux d'un seul coup d'épée, sur le pont d'Antioche. Guichet et plusieurs milliers de guerriers choisis fendaient les sarrasins depuis la tête jusqu'à la ceinture, ou les coupaient par le milieu du corps. Nul de nos soldats ne se montrait timide, car personne ne résistait. Note. La réflexion est singulière. Les ennemis ne cherchaient qu'à fuir, mais la fuite pour eux était impossible. En se précipitant en foule, ils s'embarrassaient les uns les autres. Le petit nombre qui parvint à s'échapper s'enferma dans le temple de Salomon, et s'y défendit assez longtemps. Comme le jour commençait à baisser, nos soldats envahirent le temple. Pleins de fureur, ils massacrèrent tous ceux qui s'y trouvèrent. Le carnage fut tel que les cadavres mutilés étaient entraînés par les flots de sang jusque dans le parvis, les mains et les bras coupés flottaient sur ce sang, et allaient s'unir à des corps auxquels ils n'avaient point appartenu. En achevant de décrire les lieux célébrés par le Tasse, je me trouve heureux d'avoir pu rendre le premier à un poète immortel le même honneur que d'autres avant moi ont rendu à Homère et à Virgile. Quiconque est sensible à la beauté, à l'art, à l'intérêt d'une composition poétique, à la richesse des détails, à la vérité des caractères, à la générosité des sentiments, doit faire de la Jérusalem délivrée sa lecture favorite. C'est surtout le poème des soldats, il respire la valeur et la gloire, et, comme je l'ai dit dans Les Martyrs, il semble écrit au milieu des camps, sur un bouclier. Je passais environ 5 heures à examiner le théâtre des combats du Tasse. Ce théâtre n'occupe guère plus d'une demi-lieue de terrain, et le poète a si bien marqué les divers lieux de son action, qu'il ne faut qu'un coup d'œil pour les reconnaître. Comme nous rentrions dans la ville par la vallée de Josepha, nous rencontrâmes la cavalerie du Pacha qui revenait de son expédition. On ne se peut figurer l'air de triomphe et de joie de cette troupe, victorieuse des moutons, des chèvres, des ânes et des chevaux de quelques pauvres Arabes du Jourdain. C'est ici le lieu de parler du gouvernement de Jérusalem. Il y a d'abord, premièrement, un Mosalem ou Sanjiachet, commandant pour le militaire. Deuxièmement, un Moula Kadhi ou ministre de la police. Troisièmement, un Moufti, chef des santons et des gens de loi. Quand ce Moufti est un fanatique, ou un méchant homme, comme celui qui se trouvait à Jérusalem de mon temps, c'est de toutes les autorités la plus tyrannique pour les chrétiens. Quatrièmement, un Moutoloni ou douanier de la mosquée de Salomon. Cinquièmement, un Soubachi ou prévôt de la ville. Ces tyrans subalternes relèvent tous, à l'exception du Moufti, d'un premier tyran, et ce premier tyran est le Pacha de Damas. Jérusalem est attachée, on ne sait pourquoi, au Pachalik de Damas, si ce n'est à cause du système destructeur que les Turcs suivent naturellement et comme par instinct. Séparés de Damas par des montagnes, plus encore par les Arabes qui infestent les déserts, Jérusalem ne peut pas toujours porter ses plaintes au Pacha lorsque des gouverneurs l'oppriment. Il serait plus simple qu'elle dépendît du Pachalik d'Acre, qui se trouve dans le voisinage. Les Francs et les Pères latins se mettraient sous la protection des consuls qui résident dans les ports de Syrie. Les Grecs et les Turcs pourraient faire entendre leur voix. Mais c'est précisément ce qu'on cherche à éviter. On veut un esclavage muet, et non pas d'insolents opprimés qui oseraient dire qu'on les écrase. Jérusalem est donc livrée à un gouverneur presque indépendant. Il peut faire impunément le mal qu'il lui plaît, sauf à en compter ensuite avec le Pacha. On sait que tout supérieur en Turquie a le droit de déléguer ses pouvoirs à un inférieur, et ses pouvoirs s'étendent toujours sur la propriété et la vie. Pour quelques bourses, un janissaire devient un petit aga, et cet aga, selon son bon plaisir, peut vous tuer ou vous permettre de racheter votre tête. Les bourreaux se multiplient ainsi dans tous les villages de la Judée. La seule chose qu'on entende dans ce pays, la seule justice dont il soit question, c'est « Il paiera 10, 20, 30 bourses, on lui donnera 500 coups de bâton, on lui coupera la tête. » Un acte d'injustice force à une injustice plus grande. Si l'on dépouille un paysan, on se met dans la nécessité de dépouiller le voisin, car, pour échapper à l'hypocrite intégrité du Pacha, il faut avoir, par un second crime, de quoi payer l'impunité du premier. On croit peut-être que le Pacha, en parcourant son gouvernement, porte remède à ces maux, et venge les peuples. Le Pacha est lui-même le plus grand fléau des habitants de Jérusalem. On redoute son arrivée comme celle d'un chef ennemi. On ferme les boutiques. On se cache dans des souterrains. On feint d'être mourant sur sa natte, ou l'on fuit dans la montagne. Je puis attester la vérité de ces faits, puisque je me suis trouvé à Jérusalem au moment de l'arrivée du Pacha. Abdallah est d'une avarice sordide, comme presque tous les musulmans. En sa qualité de chef de la caravane de la Mecque, et sous prétexte d'avoir de l'argent pour mieux protéger les pèlerins, il se croit en droit de multiplier les exactions. Il n'y a point de moyen qu'il n'invente. Un de ceux qu'il emploie le plus souvent, c'est de fixer un maximum fort bas pour les comestibles. Le peuple crie à la merveille, mais les marchands ferment leurs boutiques. La disette commence. Le pacha fait traiter secrètement avec les marchands. Il leur donne, pour un certain nombre de bourses, la permission de vendre au taux qu'ils voudront. Les marchands cherchent à retrouver l'argent qu'ils ont donné au pacha. Ils portent les denrées à un prix extraordinaire, et le peuple, mourant de faim une seconde fois, est obligé, pour vivre, de se dépouiller de son dernier vêtement. J'ai vu ce même Abdallah commettre une vexation plus ingénieuse encore. J'ai dit qu'il avait envoyé sa cavalerie piller des Arabes cultivateurs, de l'autre côté du Jourdain. Ces bonnes gens, qui avaient payé le miri, et qui ne se croyaient point en guerre, furent surpris au milieu de leurs tentes et de leurs troupeaux. On leur vola 2200 chèvres et moutons, 94 veaux, 1000 ânes et 6 juments de première race. Les chameaux seuls échappèrent, on en prit cependant 26. Un cheikh les appela de loin, et ils le suivirent. Ces fidèles enfants du désert allèrent porter leur lait à leur maître dans la montagne, comme s'ils avaient deviné que ces maîtres n'avaient plus d'autre nourriture. Un Européen ne pourrait guère imaginer ce que le pacha fit de ce butin. Il mit à chaque animal un prix excédant 2 fois sa valeur. Il estima chaque chèvre et chaque mouton à 20 piastres, chaque veau à 80. On envoya les bêtes ainsi taxées aux bouchers, aux différents particuliers de Jérusalem, et aux chefs des villages voisins. Il fallait les prendre et les payer, sous peine de mort. J'avoue que, si je n'avais pas vu de mes yeux cette double iniquité, elle me paraîtrait tout à fait incroyable. Quant aux ânes et aux chevaux, ils demeurèrent aux cavaliers, car, par une singulière convention entre ces voleurs, les animaux à pied fourchus appartiennent au pacha dans les épaves, et toutes les autres bêtes sont le partage des soldats. Après avoir épuisé Jérusalem, le pacha se retire. Mais, afin de ne pas payer les gardes de la ville, et pour augmenter l'escorte de la caravane de la Mecque, il emmène avec lui les soldats. Le gouverneur reste seul avec une douzaine de sbires, qui ne peuvent suffire à la police intérieure, encore moins à celle du pays. L'année qui précéda celle de mon voyage, il fut obligé de se cacher lui-même dans sa maison pour échapper à des bandes de voleurs qui passaient par-dessus les murs de Jérusalem, et qui furent au moment de piller la ville. À peine le pacha a-t-il disparu, qu'un autre mal, suite de son oppression, commence. Les villages dévastés se soulèvent, ils s'attaquent les uns les autres pour exercer des vengeances héréditaires. Toutes les communications sont interrompues, l'agriculture périt, le paysan va pendant la nuit ravager la vigne et couper l'olivier de son ennemi. Le pacha revient l'année suivante, il exige le même tribut dans un pays où la population est diminuée. Il faut qu'il redouble de pression, et qu'il extermine des peuplades entières. Peu à peu le désert s'étend, on ne voit plus que de loin à loin des masures en ruine, et à la porte de ces masures des cimetières toujours croissants, chaque année voit périr une cabane et une famille. Et bientôt il ne reste que le cimetière pour indiquer le lieu où le village s'élevait. Rentré au couvent à 10 heures du matin, j'achevais de visiter la bibliothèque. Outre le registre des firmants dont j'ai parlé, je trouvais un manuscrit autographe du savant Caresmiu. Ce manuscrit latin a pour objet, comme les ouvrages imprimés du même auteur, des recherches sur la Terre Sainte. Quelques autres cartons contenaient des papiers turcs et arabes, relatifs aux affaires du couvent, des lettres de la congrégation, des mélanges, etc. Je vis aussi des traités des pères de l'Église, plusieurs pèlerinages à Jérusalem, l'ouvrage de l'abbé Mariti, et l'excellent voyage de Monsieur de Volnay. Le père Clément Pérez avait cru découvrir de légères inexactitudes dans ce dernier voyage. Il les avait marquées sur des feuilles volantes, et il me fit présent de ses notes. J'avais tout vu à Jérusalem, je connaissais désormais l'intérieur et l'extérieur de cette ville, et même beaucoup mieux que je ne connais le dedans et les dehors de Paris. Je commençais donc à songer à mon départ. Les pères de Terre Sainte voulurent me faire un honneur que je n'avais ni demandé ni mérité. En considération des faibles services que, selon eux, j'avais rendus à la religion, ils me prièrent d'accepter l'ordre du Saint-Sépulcre. Cet ordre, très ancien dans la chrétienté, sans même en faire remonter l'origine à Sainte-Hélène, était autrefois assez répandu en Europe. On ne le retrouve plus guère aujourd'hui qu'en Pologne et en Espagne. Le gardien du Saint-Sépulcre a seul le droit de le conférer. Nous sortîmes à 1 heure du couvent, et nous nous rendîmes à l'église du Saint-Sépulcre. Nous entrâmes dans la chapelle qui appartient au Père Latin. On en ferma soigneusement les portes de peur que les Turcs n'aperçussent les armes, ce qui coûterait la vie aux religieux. Le gardien se revêtit de ses habits pontificaux. On alluma les lampes et les cierges. Tous les frères présents formèrent un cercle autour de moi, les bras croisés sur la poitrine. Tandis qu'ils chantaient à voix basse le Veni Creator, le gardien monta à l'autel, et je me mis à genoux à ses pieds. On tira du trésor du Saint-Sépulcre les éperons et l'épée de Godefroy de Bouillon. Deux religieux debout, à mes côtés, tenaient les dépouilles vénérables. L'officiant récita les prières accoutumées, et me fit les questions d'usage. Ensuite il me chaussa les éperons, me frappa 3 fois l'épaule avec l'épée en me donnant l'accolade. Les religieux entonnèrent le Te Deum, tandis que le gardien prononçait cette oraison sur ma tête. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, répands ta grâce et tes bénédictions sur ce tien serviteur, etc. Tout cela n'est que le souvenir de mœurs qui n'existent plus. Mais, que l'on songe que j'étais à Jérusalem, dans l'église du Calvaire, à 12 pas du tombeau de Jésus-Christ, à 30 du tombeau de Godefroy de Bouillon, que je venais de chausser l'éperon du libérateur du Saint-Sépulcre, de toucher cette longue et large épée de fer qu'avait maniée une main si noble et si loyale, que l'on se rappelle ces circonstances, ma vie aventureuse, mes courses sur la terre et sur la mer, et l'on croira sans peine que je devais être ému. Cette cérémonie, au reste, ne pouvait être tout à fait vaine. J'étais français, Godefroy de Bouillon était français, ses vieilles armes, en me touchant, m'avaient communiqué un nouvel amour pour la gloire et l'honneur de ma patrie. Je n'étais pas sans doute sans reproche, mais tout français peut se dire sans peur. On me délivra mon brevet, revêtu de la signature du gardien et du sceau du couvent. Avec ce brillant diplôme de chevalier, on me donna mon humble patente de pèlerin. Je les conserve comme un monument de mon passage dans la terre du vieux voyageur Jacob. Maintenant que je vais quitter la Palestine, Il faut que le lecteur se transporte avec moi hors des murailles de Jérusalem pour jeter un dernier regard sur cette ville extraordinaire. Arrêtons-nous d'abord à la grotte de Jérémie, près des sépulcres des rois. Cette grotte est assez vaste, et la voûte en est soutenue par un pilier de pierre. C'est là, dit-on, que le prophète fit entendre ses lamentations. Elles ont l'air d'avoir été composées à la vue de la moderne Jérusalem, tant elles peignent naturellement l'état de cette ville désolée. Comment cette ville, si pleine de peuple, est-elle maintenant si solitaire et si désolée? La maîtresse des nations est devenue comme veuve. La reine des provinces a été assujettie aux tribus. Les rues de Sion pleurent, parce qu'il n'y a plus personne qui vienne à ses solennités. Toutes ses portes sont détruites. Ses prêtres ne font que gémir. Ses vierges sont toutes défigurées de douleur. Elle est plongée dans l'amertume. Ô vous tous qui passez par le chemin, considérez et voyez s'il y a une douleur comme la mienne. Le Seigneur a résolu d'abattre la muraille de la fille de Sion. Il a tendu son cordeau, et il n'a point retiré sa main que tout ne fût renversé. Le boulevard est tombé d'une manière déplorable, et le mur a été détruit de même. Ses portes sont enfoncées dans la terre. Il en a rompu et brisé les barres. Il a banni son roi et ses princes parmi les nations. Il n'y a plus de loi, et ses prophètes n'ont point reçu de vision prophétique du Seigneur. Mes yeux se sont affaiblis à force de verser des larmes, le trouble a saisi mes entrailles. Mon cœur s'est répandu en terre en voyant la ruine de la fille de mon peuple, en voyant les petits-enfants et ceux qui étaient encore à la mamelle tomber morts dans la place de la ville. À qui vous comparerai-je, ô fille de Jérusalem? À qui dirai-je que vous ressemblez? Tous ceux qui passaient par le chemin ont frappé des mains en vous voyant. Ils ont sifflé la fille de Jérusalem en branlant la tête et en disant, « Est-ce là cette ville d'une beauté si parfaite, qui était la joie de toute la terre ?» Vue de la montagne des Oliviers, de l'autre côté de la vallée de Josapha, Jérusalem présente un plan incliné sur un sol qui descend du couchant au levant. Une muraille crénelée, fortifiée par des tours et par un château gothique, enferme la ville dans son entier, laissant toutefois au dehors une partie de la montagne de Sion, qu'elle embrassait autrefois. Dans la région du couchant et au centre de la ville, vers le calvaire, les maisons se serrent d'assez près, mais au levant, le long de la vallée de Cédron, on aperçoit des espaces vides, entre autres l'enceinte qui règne autour de la mosquée bâtie sur les débris du temple, et le terrain presque abandonné où s'élevait le château Antonia et le second palais d'Hérode. Les maisons de Jérusalem sont de lourdes masses carrées, fort basses, sans cheminée et sans fenêtre, elles se terminent en terrasses aplaties ou en dômes, et elles ressemblent à des prisons ou à des sépulcres. Tout serait à l'œil d'un niveau égal, si les clochers des églises, les minarets des mosquées, les cimes de quelques cyprès et les buissons de nopals ne rompaient l'uniformité du plan. À la vue de ces maisons de pierre, renfermées dans un paysage de pierre, on se demande si ce ne sont pas là les monuments confus d'un cimetière au milieu d'un désert. Entrez dans la ville, rien ne vous consolera de la tristesse extérieure. Vous vous égarez dans de petites rues non pavées, qui montent et descendent sur un sol inégal, et vous marchez dans des flots de poussière, ou parmi des cailloux roulants. Des toiles jetées d'une maison à l'autre augmentent l'obscurité de ce labyrinthe. Des bazars voûtés et infects achèvent d'ôter la lumière à la ville désolée. Quelques chétives boutiques n'étalent aux yeux que la misère. Et souvent ces boutiques même sont fermées, dans la crainte du passage d'un cadi. personne dans les rues, personne aux portes de la ville, quelquefois seulement un paysan se glisse dans l'ombre, cachant sous ses habits les fruits de son labeur, dans la crainte d'être dépouillé par le soldat. Dans un coin à l'écart, le boucher arabe égorge quelques bêtes suspendues par les pieds à un mur en ruine. À l'air hagard et féroce de cet homme, à ses bras ensanglantés, vous croiriez qu'il vient plutôt de tuer son semblable que d'immoler un agneau. Pour tout bruit dans la cité déicide, on entend par intervalle le galop de la cavale du désert. C'est le janissaire qui apporte la tête du bédouin, ou qui va piller le fellah. Au milieu de cette désolation extraordinaire, il faut s'arrêter un moment pour contempler des choses plus extraordinaires encore. Parmi les ruines de Jérusalem, deux espèces de peuples indépendants trouvent dans leur foi de quoi surmonter tant d'horreurs et de misères. Là vivent des religieux chrétiens que rien ne peut forcer à abandonner le tombeau de Jésus-Christ, ni spoliation, ni mauvais traitement, ni menace de la mort. Leurs cantiques retentissent nuit et jour autour du Saint-Sépulcre. Dépouillé le matin par un gouverneur turc, le soir les retrouve au pied du calvaire, priant au lieu où Jésus-Christ souffrit pour le salut des hommes. Leur front est serein, leur bouche est riante. Ils reçoivent l'étranger avec joie. Sans force et sans soldats, ils protègent des villages entiers contre l'iniquité. Pressés par le bâton et par le sabre, les femmes, les enfants, les troupeaux se réfugient dans les cloîtres de ces solitaires. Qui empêche le méchant d'armée de poursuivre sa proie, et de renverser d'aussi faibles remparts? La charité des moines, ils se privent des dernières ressources de la vie pour racheter leurs suppliants. Turcs, arabes, grecs, chrétiens, schismatiques, tous se jettent sous la protection de quelques pauvres religieux, qui ne peuvent se défendre eux-mêmes. C'est ici qu'il faut reconnaître avec Bossuet, que des mains levées vers le ciel enfoncent plus de bataillons que des mains armées de javelots. Tandis que la nouvelle Jérusalem sort ainsi du désert, brillante de clarté, jetez les yeux entre la montagne de Sion et le temple, voyez cet autre petit peuple qui vit séparé du reste des habitants de la cité. Objet particulier de tous les mépris, il baisse la tête sans se plaindre. Il souffre toutes les avanies sans demander justice. Il se laisse accabler de coups sans soupirer. On lui demande sa tête, il la présente au cimetière. Si quelque membre de cette société proscrite vient à mourir, son compagnon ira, pendant la nuit, l'enterrer furtivement dans la vallée de Josaphat, à l'ombre du temple de Salomon. Pénétrez dans la demeure de ce peuple, vous le trouverez dans une affreuse misère, faisant lire un livre mystérieux à des enfants qui, à leur tour, le feront lire à leurs enfants. Ce qu'il faisait il y a 5000 ans, ce peuple le fait encore. Il a assisté 17 fois à la ruine de Jérusalem, et rien ne peut le décourager, rien ne peut l'empêcher de tourner ses regards vers Sion. Quand on voit les Juifs dispersés sur la terre, selon la parole de Dieu, on est surpris, sans doute. Mais, pour être frappé d'un étonnement surnaturel, il faut les retrouver à Jérusalem. Il faut voir ces légitimes maîtres de la Judée esclavés étrangers dans leur propre pays. Il faut les voir attendant, sous toutes les oppressions, un roi qui doit les délivrer. Écrasés par la croix qui les condamne, et qui est plantée sur leur tête, cachés près du temple, dont il ne reste pas pierre sur pierre, ils demeurent dans leur déplorable aveuglement. Les Perses, les Grecs, les Romains ont disparu de la terre, et un petit peuple, dont l'origine précéda celle de ses grands peuples, existe encore sans mélange dans les décombres de sa patrie. Si quelque chose, parmi les nations, porte le caractère du miracle, nous pensons que ce caractère est ici. Et qu'y a-t-il de plus merveilleux, même aux yeux du philosophe, que cette rencontre de l'Antique et de la Nouvelle Jérusalem au pied du calvaire? La première s'affligeant à l'aspect du sépulcre de Jésus-Christ ressuscité. La seconde se consolant auprès du seul tombeau qui n'aura rien à rendre à la fin des siècles. Je remercie les pères de leur hospitalité. Je leur souhaitais bien sincèrement un bonheur qu'ils n'attendent guère ici-bas. Prêt à les quitter, j'éprouvais une véritable tristesse. Je ne connais point de martyr comparable à celui de ces infortunés religieux. L'état où ils vivent ressemble à celui où l'on était, en France, sous le règne de la terreur. J'allais rentrer dans ma patrie, embrasser mes parents, revoir mes amis, retrouver les douceurs de la vie, et ses pères, qui avaient aussi des parents, des amis, une patrie, demeuraient exilés dans cette terre d'esclavage. Tous n'ont pas la force d'âme qui rend insensible au chagrin. J'ai entendu des regrets qui m'ont fait connaître l'étendue du sacrifice. Jésus-Christ à ces mêmes bords n'a-t-il pas trouvé le calice amer? Et pourtant, il l'a bu jusqu'à la lie. Le 12 octobre, je montais à cheval avec Ali Aga, Jean, Julien et le droguement Michel. Nous sortîmes de la ville, au coucher du soleil, par la porte des pèlerins. Nous traversâmes le camp du Pacha. Je m'arrêtai avant de descendre dans la vallée du Térébinthe, pour regarder encore Jérusalem. Je distinguai par-dessus les murs le dôme de l'église du Saint-Sépulcre. Il ne sera plus salué par le pèlerin, car il n'existe plus, et le tombeau de Jésus-Christ est maintenant exposé aux injures de l'air. Autrefois la chrétienté entière serait accourue pour réparer le sacré monument, aujourd'hui personne n'y pense, et la moindre aumône employée à cette œuvre méritoire paraîtra une ridicule superstition. Après avoir contemplé pendant quelque temps Jérusalem, je m'enfonçai dans les montagnes. Il était 6h29 lorsque je perdis de vue la cité sainte. Le navigateur marque ainsi le moment où disparaît à ses yeux une terre lointaine qu'il ne reverra jamais. Nous trouvâmes au fond de la vallée du Térébinthe les chefs des Arabes de Jérémie, Abou Gosh et Jébé, ils nous attendaient. Nous arrivâmes à Jérémie vers minuit, il fallut manger un agneau qu'Abou Gosh nous avait fait préparer. Je voulus lui donner quelque argent, il le refusa, et me pria seulement de lui envoyer 2 couves de riz de Damiette quand je serais en Égypte. Je le lui promis de grand cœur, et pourtant je ne me souvins de ma promesse qu'à l'instant même où je m'embarquais pour Tunis. Aussitôt que nos communications avec le Levant seront rétablies, Abou Gosh recevra certainement son riz de Damiette. Il verra qu'un Français peut manquer de mémoire, mais jamais de parole. J'espère que les petits bédouins de Jérémie monteront la garde autour de mon présent, et qu'ils diront encore « En avant, marche !» J'arrivai à Jaffa, le 13 à midi. Markendanarchive.org, le texte est adapté à la lecture en synthèse vocale. Les passages en italien, en latin et les mots écrits en grec sont traduits ou supprimés. Licence Creative Commons. Pas d'utilisation commerciale. Partage à l'identique.